pourquoi pas, en lune de miel avec toi Marie, nous empruntons la gondole des rois, et nous sommes vraiment sans souci. Venise grâce à toutes ces îles, égaye les séductions habiles, le sirocco souffle dans nos le charme sympathique de ces canaux qu'on traverse. Ceci est enivrant, les somptueux palais qui ont défié le temps inspirent quelques couplets. Posée sur l'eau, Venise, ville des romances, remontons en vapeur et tout. De la ville, on sent la substance, destination de soupirants, couronnement de nombreux musées et de sympathiques cafés, prestigieux comme le Florian. On peut admirer la basilique ainsi que ses belles mosaïques. Pensons à voir la tour de l'horloge sans oublier le palais. Venise grâce à toutes ses îles, égaye les séductions habiles, le sirocco souffle dans nos